Je vis entre ciel et terre, entre terre et ciel, perdu dans un jardin mauve de fleurs et de miel. Il me pousse des ailes un peu partout. J'ai des idées nouvelles, je recommence tout. J'aime, et quand je dis je t'aime, je veux dire que j'aime, que c'est beau, que c'est vrai. J'aime, j'aime, et quand je dis que j'aime, je veux dire que j'aime, comme toujours, comme jamais. Et je retrouve l'enfance, le chemin perdu, où l'on marche comme on danse. Et j'ai dans le cœur un soleil, une source, un feu qui court. Ma vie reprend sa course comme au premier amour. J'aime, j'aime, et quand je dis je t'aime, je veux dire que j'aime, que c'est beau, que c'est vrai. Oh, j'aime, j'aime, et quand je dis que j'aime, je veux dire que j'aime, comme toujours, comme jamais. J'aime, j'aime, et quand je dis je t'aime, je veux dire que j'aime, que c'est beau, que c'est vrai. Et quand je dis que j'aime, je veux dire que j'aime, comme toujours, comme jamais. Oh oui, j'aime, j'aime. Et quand je dis je t'aime, je veux dire que j'aime, que c'est beau, que c'est vrai. Oh, j'aime, j'aime. Et quand je dis que j'aime, je veux dire que j'aime, comme toujours, comme jamais.